Radiomatique. Ladies and gentlemen, this is an instruction. Having fun. C'est sur la musique du groupe Serpents que s'ouvrait la transmission 074 d'Audiomatique. De leur album What is Fear, paru en 1999, nous entendions la pièce Have Fun. Soulignons qu'après cet album, Serpents a mis fin à ses activités, mais comme plusieurs de ses contemporains sur la scène de musique de l'Electronic Body Music, la formation a fait un retour en 2010 et vient tout juste de sortir un nouvel album intitulé State of War. Si vous entendez ceci, c'est probablement que vous répondez au rendez-vous hebdomadaire que vous lancent les électronistes avec chaque transmission d'Audiomatique. Ou encore, vous êtes victime du hasard et vous avez syntonisé le 89.1 sur la bande FM sans véritablement savoir ce qui vous y attendait. Peu importe le scénario, sachez simplement que le menu d'Audiomatic est toujours constitué de pièces à caractère électronique et que, malgré cette singularité, il y a toujours place à la surprise et l'étonnement, car la musique électronique ne répond à aucune restriction, mis à part que la musique doit être créée à partir d'ondes sonores générées de façon électrique grâce à l'usage d'ordinateurs ou de synthétiseurs, ou qu'il y ait eu lors de sa composition l'utilisation de la technologie électronique afin de copier, modifier et manipuler des sons provenant de notre environnement extérieur grâce à l'usage de technologies de reproduction comme le microphone, le magnétophone ou l'échantillonneur numérique. Passons maintenant de la théorie à la pratique, à Audiomatic, avec la musique du groupe anglais Tongue. Don't lead her astray. sauce dish of Solomon. You know what came of him. To him complexity seemed plain. He cursed the hour that gave birth to him. But soon observed what followed on. It's honesty that brought him to that state. How fortunate the man we've known. How fortunate the man we've known. Here you can see respectable folk keeping to God's own laws. So far he hasn't taken heed. You who sit safe and warm indoors have to relieve our bitter need. How virtuously had begun. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's fear of God that brought us to that state. How fortunate the man we've known. How fortunate the man we've known. Pour cette séquence musicale à Audiomatique, nous entendions le groupe australien Dead Can Dance, principalement mené par Lisa Gerrard et Brendan Perry. Ils nous interprétaient la version en concert de la chanson How Fortunate the Man with None, qui est parue numériquement sur Live Happenings Part 3. La version studio de cette pièce apparaît sur l'album Into the Labyrinth, lancé en 1993. Fait intéressant, les paroles de How Fortunate the Man with None proviennent du poème Die Ballade von den Prominenten de Bertolt Brecht. Précédemment à Dead Can Dance, il s'agissait du quatuor français Phoenix avec la chanson 1901 qui a été ici remixée par leur compatriote Fortune. Cette version remixée est parue sur le mini-album Remix Collection de Fortune. Et la version originale est parue sur le quatrième album de Phoenix, intitulé Wolfgang Amadeus Phoenix, et lancé en 2009. Et en début de bloc, le groupe britannique Tongue nous offrait la pièce Sashimi de leur album And Then We Saw Land. Écoutons maintenant le projet Multicolor de l'artiste Anton Gustav, qui nous propose une musique IDM avec une approche plus expérimentale. Voici sa pièce « Three Languages ». Thank you. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 80. Le projet Piranha Sound System mettait fin à cette séquence musicale de deux morceaux avec la composition Naranja Limones. Piranha Sound System nous offre une électro inspirée par la musique traditionnelle péruvienne, le tout avec une touche expérimentale. La pièce que nous avons entendue paraît sur la compilation Peru Boom, qui regroupe une panoplie d'artistes animant la dynamique scène électronique de Lima au Pérou. Et c'était le projet Multicolor en début de bloc avec sa pièce Three Languages, tirée de son premier album From the Outside, sorti en 2015. Voici, sans plus attarder, Inara George à Audiomatic. Before I must have gone far. silence here, with nothing to fear. Under a mile of sea, it must have turned fast, 'cause I did not see it come. I must have been slow, used to move so light. Easy touch. No, I'm not strong at all. I turn to the worried kind when I had something I couldn't keep. The easy touch, I wasn't tough at all. No one really knows the name, but I had something, something. Les électronistes vous présentaient à l'instant à Audiomatique le projet suédois Lonely Deer, qui mettait un terme à ce court segment musical avec sa chanson Under a Silent Sea de l'album Dear John. Et pour amorcer le tout, l'artiste américaine Inara George, qui œuvre au sein de plusieurs formations, comme entre autres The Bird and the Bee, The Living Sisters, Merrick et Load, nous présentait la chanson Bomb de son album solo Accidental Experimental. C'est le duo Skin qui mettra fin à cette transmission 074 d'Audiomatic. Skin est en fait le nom d'un projet parallèle des artistes Michael Jira et Jarbo, à l'époque tous les deux membres du groupe Swans. Ce projet, ayant vécu à la fin des années 80, propose des compositions plus ambiantes et éthérées comparativement à la musique de Swans qui, à cette époque, évoluait davantage dans un son rock industriel. Aujourd'hui, Jarbo mène une carrière solo, tandis que M. Jira est toujours à la tête des Swans. Toujours est-il que nous entendrons la pièce « The Center of Your Heart » qu'on retrouve notamment sur l'anthologie de Skin intitulée « The World of Skin ». Les électronistes qui vous remercient d'avoir été attentifs à leurs suggestions musicales et qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 075 d'Audiomatic. Vous savez sûrement que l'émission est présentée en rediffusion sur les ondes de C'est fou les samedis en soirée vers 21h et que toutes nos anciennes transmissions sont disponibles à l'écoute sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Skin et la pièce The Center of Your Heart. Bonne écoute et bonne semaine. I recorded. of your